Kassem mène des opérations pour les services de renseignement français. De Bamako à Genève, de Beyrouth à Tanger, il a vu des régimes tomber, des peuples se relever et des hommes mourir. Mariam est irakienne et archéologue. Elle tente de sauver le patrimoine artistique des zones dévastées par la guerre au Moyen-Orient. Elle cherche sans fin la trace de ces objets pillés. Écoutez nos défaites. De Laurent Godet. Extrait choisi par Juliette Eman. Quatrième épisode. Mariam reboutonne son chemisier, assise sur la table d'auscultation. Le médecin lui a palpé les seins. Ses mains étaient froides. Elle a sursauté. Puis elle s'est concentrée, comme si elle voulait voir ce que ses mains sentaient, comme si elle voulait chercher avec elle l'ennemi, le cerner dans ses contours, lui faire sentir sa volonté à elle de vivre, de résister. « Il faut que vous pensiez un peu à vous », a dit le docteur Alouche en levant les yeux avec un sourire gentil sous ses lunettes. « Vous allez avoir besoin de toutes vos forces pour ce combat. Est-ce que vous êtes entourée ?» Elle ne répond pas tout de suite. « Entourée. » Oui, elle l'est. De tous les hommes qu'elle a aimés. Ceux dont elle se souvient du nom, Marwan, Hassem, et ceux dont elle n'a jamais connu le nom. Oui, elle est entourée. Des statues qu'elle a manipulées, des bijoux assyriens, des grands colosses de Khorsabad qui sont là, en elle, parce que c'est sa vie. Longtemps, il se souviendra de ces moments, sans plus savoir avec exactitude s'il les a vécus ou s'il s'agit d'un long rêve habité du bruit de la mer et des tirs d'armes automatiques au loin. Longtemps, il se souviendra de cette longue route qui le mena à Tripoli en 2 jours de voiture et de poussière, dans ce pays exsangue qui sent la peur et le pétrole. Il a roulé des heures à laisser le paysage défiler, le visage collé contre la vitre, retrouvant ce pays qu'il a connu quelques années plus tôt. Il se souvient des cris de la foule à l'époque du soulèvement. Des groupes de jeunes gens prêts à tout, avec parfois un fusil pour 4 ou 5, se jurant de ne pas céder un pas face à l'avancée des troupes restées fidèles à Kadhafi. Aujourd'hui, les rues des villes côtières sont vides et il n'y a plus de liesse. Les jeunes gens montent le matin dans des pick-up et partent terroriser les villages à l'ouest. Le pays se disloque. C'est juste que tout finisse à Tripoli. Car tout va finir. Il n'a pas de doute là-dessus. Elle a gardé le silence si longtemps après la question que le docteur Alouche a compris. Il n'insiste pas. Il lui parle maintenant de ce que l'on va faire à son corps, du protocole et de ce que cela implique. Il parle doucement, comme à une enfant. Et lorsqu'il a fini, il sourit et demande « Vous avez des questions ?» Elle en a, oui. Est-ce que je vais mourir? A-t-elle le droit de la poser, cette question, la seule qui lui brûle les lèvres? Est-ce qu'elle va mourir? Oui, bien sûr qu'elle va mourir. Ce n'est pas cela qu'elle devrait demander. Bientôt? Est-ce qu'elle va mourir bientôt? Mais elle ne demande rien, se retient, dit non, doucement. Alors il prend son planning et lui demande « Quand est-ce que vous pouvez revenir ?» Il faut que nous commencions le plus vite possible. Et c'est comme s'il répondait à la question qu'elle n'a pas osé poser. Alors elle ouvre son agenda, s'embrouille un peu, et soudain lui reviennent les vers de Kadhafi. Corps, souviens-toi non seulement de l'ardeur, et plus que les vers, c'est la voix d'Hassem qui la remplit, son grain de voix exact, le rythme de son phrasé. Corps, souviens-toi. Et cela la remplit de force. C'est comme s'il venait de l'enlacer et de lui dire à l'oreille, rien que pour elle, des choses justes, pas réconfortantes, pas gaies, mais vraies. Alors elle relève la tête et le docteur Alouche voit en elle une détermination qui le surprend et elle dit avec une voix ferme, la semaine prochaine, quand vous voudrez. Le voyage est long, mais c'est bien, il a besoin de ce temps-là. Il n'a pas été possible de s'arrêter à Leptis Magna comme il aurait aimé le faire, revoir les grands vestiges romains qui font face à la mer sûrs de leur éternité, défiant l'agitation des hommes. Il aurait aimé, parce qu'il sent que cela a à voir avec Job. Il refait la route Sirt-Misrata, cette route sur laquelle il a connu sa ligne d'ombre. En quittant l'immeuble du docteur Alouche, elle sent qu'elle a besoin de s'arrêter dans un café pour souffler et se reposer. Elle s'installe à une table et commande un expresso. Elle ne pense à rien. Essaie juste de faire le vide en elle. Laisse les passants défiler sans y prêter attention. Et puis soudain, ses yeux sont attirés par l'écran de télévision qui est au fond de la salle. Ce sont des images de chez elle. Elle n'entend pas le son, mais elle reconnaît les lieux. Atra. Tout continue là-bas. Ils ne se contentent pas du musée de Mossoul. Ils avancent et, partout où ils passent, ils brisent les statues et font sauter les ruines à la dynamite. Ils avancent et ils effacent les sites un à un. Nimroud, Atra, avec des maillets, avec des bulldozers. Ils frappent contre les murs antiques, retournent les pierres qui avaient tenu. Et lorsqu'il est encore des temples ou des palais debout, ils les piègent de dynamite et tout part en fumée. Elle regarde les images à la télévision. Tout se mélange. Les époques se mêlent et les cris aussi. Les ombres des princesses assyriennes de Nimroud errent dans la poussière en se tenant la tête comme des pleureuses. Les archéologues du passé se frappent le torse et injurient les barbares. Elle les voit, tous ceux qui ont passé des jours à creuser ces terres sèches. Ils sont déchirés par la violence des explosions. La poussière retombe et ce qu'il reste est un désastre. Les visages des statues sont défigurés, les colonnes à terre. Ce ne sont plus des sites archéologiques, mais des terrains vagues. Lui revient alors soudainement en mémoire ce petit objet du Pergamon Museum de Berlin, couvert d'écritures cunéiformes. Elle était restée stupéfaite lorsque, jeune femme, elle l'avait découvert. L'étiquette collée sur la vitrine proposait une traduction des inscriptions antiques. « Vous, si vous trouvez cet objet, reposez-le en terre. » Reposez-le et passez votre chemin, car il n'est pas fait pour la lumière, mais pour le royaume de l'éternité. Cela l'avait assommé. Cet objet-là, qui suppliait les vivants de ne pas le prendre, était maintenant exposé dans une vitrine de musée. Était-ce cela, son métier ? Voler des objets au néant ? Aller contre la volonté de ceux qui les avaient conçus ? Nous entrons par effraction dans le monde des morts. Nous en saisissons des objets et les offrons au carnage des vivants. Dynamite, pelle, bulldozer. Elle n'en peut plus, ne sait plus, se met à pleurer. Elle enrage. L'idée naît en elle que le prochain site sera Palmyre, et cela la révulse. Alors elle essaie de se calmer. Repense à la question du docteur Alouche. Est-ce que vous êtes entouré ? De moins en moins. C'est cela qu'elle aurait dû répondre. De moins en moins s'il brûle Atra et Nimroud. De moins en moins si on lui enlève ses antiquités qui jusqu'ici n'avaient pas peur du temps. Il a roulé de nuit entre Misrata et Tripoli, couché à l'arrière de la voiture pour ne pas se faire voir. Arrivé au centre de Tripoli, la voiture le laisse à un coin de rue. Il remercie son chauffeur et s'enfonce dans la ville. Il est seul maintenant et marche vite. Personne ne semble faire attention à lui. Si on lui demande quoi que ce soit, il se fera passer pour un homme d'affaires tunisien ou un banquier. Il ne s'arrête pas devant la façade de l'ancien hôtel Radisson. Il n'a pas besoin de reprendre son souffle ou d'évaluer le danger. Il a hâte. Alors il se presse. Elle a toujours aimé Paris. Elle se souvient des après-midi à Alexandrie, où en traversant toute nue la chambre baignée de lumière dans laquelle il venait de faire l'amour, elle demandait à Marouane avec un ton ingénu quand est-ce qu'on achète un petit appartement à Paris ? Et ils riaient comme deux jeunes gens à cette idée de se voir tous les deux, serrés l'un contre l'autre sur la passerelle des Arts ou dans les ruelles du 5e arrondissement. C'était avant ce jour où Marouane était venue s'en rester, avec cet air d'enfant puni et sa voix terne. Il était malade. Elle l'avait appris plus tard, par des collègues. C'était cela, alors. Juste cela, à l'approche de la mort, de la souffrance, il retournait auprès de sa femme. C'était cela. Tout le reste était balayé. Tout le reste n'avait été que divertissement. Est-ce qu'elle n'aurait pas été capable de prendre sa part de la souffrance, de l'entourer? Et elle, aujourd'hui, vers qui peut-elle se tourner? Est-ce pour cela, précisément, qu'elle repense à lui en ce moment? Parce que si elle le pouvait, s'il était encore en vie, c'est vers lui qu'elle aimerait aller. Il pénètre dans le grand salon de l'hôtel où des fauteuils semblent attendre, fatigués, des gens qui ne viendront plus. Les rideaux des fenêtres ont été tirés, pour éviter les tirs de l'extérieur sûrement. Ses yeux mettent un peu de temps à s'habituer à la pénombre. Il tourne à gauche, vers l'autre salon, et là il le voit, le reconnaît tout de suite, seul, enfoncé dans un fauteuil, les yeux essayant de percer la pénombre, souriant peut-être ou grimaçant. Et la voix qui l'accueille dès qu'il apparaît est la même exactement que celle de Beyrouth, comme si c'était la même nuit qui se prolongeait. « Je suis content que vous m'ayez retrouvé, lieutenant. » Et Hassem doit bien admettre qu'il est content, lui aussi. Et cela le trouble, car de quoi peut-il se réjouir à cet instant ? Elle descend l'avenue d'Iéna, profitant de la beauté des façades éclairées par cette lumière grise qui fait de Paris un palais de zinc. Elle est résolue à venir s'installer ici. Elle arrangera son emploi du temps avec le British Museum. À sa gauche, elle laisse le musée Guimet. Elle hésite un temps, envisage la possibilité d'y entrer, juste pour revoir les statues du Gandhara dans la grande salle du rez-de-chaussée. Et puis elle renonce. Elle veut être à Paris, dans la rue, sans statue, sans histoire, juste dans le présent de cette marche, laissant doucement le visage du docteur Alouche s'effacer et ses mots « protocole, combat, chimiothérapie » s'éloigner. Elle en veut d'autres, des mots qui la réconforteraient. Il s'est assis en face de Job. L'Américain le laisse s'installer en le regardant calmement, puis lui demande avec un sourire étrange « Pourquoi êtes-vous venu ? » Il n'est pas certain de savoir, mais il répond tout de même « pour que nous puissions finir notre conversation ». Job sourit « Vous valez mieux que, lieutenant ». Et il se sert un verre. Puis, avec un air joueur, il lui lance « Vous avez raison. Vous êtes là pour que tout s'achève. Et c'est bien. C'est ce que j'espérais. » Et avant qu'Hassem ne prenne la parole, il poursuit « C'est la défaite qui nous lie, lieutenant. » Et Hassem sent alors ce qu'il avait senti à Beyrouth. Que, d'un coup, par le pouvoir des mots, le temps se dilate. Elle marche, traverse la Seine sur le pont de l'Alma. La lumière fait scintiller les eaux avec les mêmes reflets que les toits. Elle a peur d'avoir tout raté. La vie amoureuse qui la laisse seule au bout du compte. Un métier qui la fait courir après des objets que le monde engloutit. Tout raté. Est-ce que c'est cela ? Non. Elle a réussi ce qu'elle a entamé, ce à quoi elle s'est appliquée. Elle a plongé dans la vie avec passion, s'est débattue, a bataillé. Où est l'échec ? Ce qu'elle connaît, c'est la défaite, mais c'est autre chose. Là, dans le cabinet du docteur Alouche, la défaite. Ce sentiment que quelque chose se présente qui vous engloutira et à quoi on ne peut se dérober. Face au chaos dans les rues d'Erbil, la défaite. Et avec les destructions d'Atra et de Nimroud aussi. La vie la met à mal, détruit ce qu'elle avait bâti, renverse tout ce qui semblait solide. La défaite, oui. Au moment où Marouane l'a quittée, retournant à sa femme comme un chien qui boite retourne à sa niche, mais pas l'échec. Et elle respire profondément alors, car elle sait que ce qu'elle traverse, cette fatigue du corps, ce sentiment d'être entamée, de ne plus être en plénitude comme on ne peut l'être qu'à 20 ans, ce morcellement de soi minuscule, imperceptible, qui entrave l'élan que l'on ne peut avoir, qui rend moins gracieux, moins euphorique, donne sans qu'on le sente même un air plus peureux, plus fragile. C'est l'arc profond de la vie et pas une défaillance personnelle. Cette défaite-là n'est le résultat d'aucun mauvais choix, d'aucune erreur ou lâcheté. Elle a vécu et n'a rien raté. Vient seulement un jour le moment de la capitulation et avant cela, de façon progressive, la bascule dans la perte. Ce deuxième temps de la vie où les forces s'amenuisent, où le jaillissement, l'étonnement, la surprise deviennent plus rares, juste cela. L'entrée dans le temps de la défaite, mais qui fait partie du reste et qu'elle va essayer de vivre pleinement, sans échec là non plus, pour rester elle-même, Mariam, jusqu'au bout. La défaite. Hassem sait que Job dit vrai. Il sait que c'est cela qu'il partage depuis le début, la conviction profonde qu'ils ont été vaincus. Il ne s'agit plus de réussir ou d'échouer. La défaite vraie, profonde, la défaite que les hommes sentent en eux un beau jour comme une force qui leur pèse, les rend moins rapides, moins innocents. La défaite du corps qui s'empâte, se gonfle, s'essouffle, et les yeux qui voudraient ne pas avoir tant vu. La défaite intime, profonde, face à cette chose qui approche, à laquelle l'homme ne peut échapper et qui s'appelle l'engloutissement. Ils feront à Palmyre ce qu'ils ont fait à Nimroud. Les mouvements de troupes confirment que Daesh poursuit sa progression vers l'oasis de Tadmor et la cité antique. Il faut lutter, tenter tout ce qui est possible. Depuis le matin, elle essaie de joindre Khaled al-Assad au téléphone, mais n'y parvient pas. Elle tourne en rond dans son bureau, peste contre le vieux monsieur de 83 ans qui est injoignable. Elle l'a connu lors d'un stage en Syrie. Monsieur Palmyre, comme tout le monde l'appelle. Elle se souvient de lui, son beau visage noble avec ses cheveux blancs et ses grosses lunettes qui lui donnent un air d'écrivain égyptien. Elle réessaie de téléphoner. Pour quelle cause nous sommes-nous battus, lieutenant ? Hassem ne sait comment répondre à cette question, alors il en pose une autre. Et maintenant, qu'allez-vous faire ? L'autre ne tique pas. Le regarde avec force et répond « Les batailles qu'on nous a demandé de gagner, nous les avons gagnées. Mais nous savons, vous et moi, que nous sommes vaincus. Nous le sentons à l'intérieur. Quelque chose est allé trop loin ou a perdu son sens. Est-ce que ce n'est pas vrai, lieutenant ?» Hassem pense à ce jour, toujours le même, sur la route de Sirte, où il était dans la foule des opposants libyens. Ce jour de chaleur avec la silhouette des articulés de Kadhafi et les coups de feu dans le ciel moite. Une partie de lui est restée là-bas. Et Job, peut-être, a raison. Il n'est pas question que je bouge. Elle essaie de le convaincre encore. Elle lui parle du risque qu'il court, de la violence de ces hommes qui ont la mort dans les doigts. Mais Khaled al-Assad répète « Je ne bougerai pas ». Il y a un long temps de silence. Elle essaie encore, avec une voix douce, comme une fille essaierait de convaincre son père. « S'il vous plaît, monsieur Assad, je vous en prie. » Il lui demande de ne pas lui en vouloir. « Je suis un vieil homme, dit-il. Ma vie est terminée. Si je pars, tout aura été vain. Je ne peux pas, vous comprenez ? J'ai pris des précautions. Avec mon fils Walid, nous essayons de mettre à l'abri le plus de pièces possible. Je veillerai sur le site aussi longtemps que je vivrai. Imaginez Priam quittant Troie avant l'arrivée des Achéens, ce n'est pas possible. La conversation s'achève. Elle sait qu'elle ne parviendra pas à le convaincre. Il va rester, avec son fils, comme les gardiens d'un temple vide qui attendent la mort. Il va rester parce que partir n'importe où ailleurs serait une défaite. Est-ce que son âge le protège de la peur ? Est-ce parce que sa vie est presque achevée que les événements ne peuvent plus l'entamer ? Elle raccroche en lui demandant de lui donner des nouvelles, de ne pas hésiter s'il a besoin de quoi que ce soit. Il dit oui, bien sûr, remercie. Elle sait qu'il n'en fera rien. Le vieux Priam a fermé la porte de la cité d'Ilion et attend l'arrivée des barbares. Hannibal sait, malgré l'énorme supériorité numérique des Romains, malgré la fatigue de ses propres soldats, qu'il est face à un de ces instants qui font l'histoire. Sous les casques, sous les armures de cuir, on sue à grosses gouttes. Il regarde les lignes ennemies, les Romains doivent être deux fois plus nombreux. Chaque jour, ils alternent le commandement. Aujourd'hui, c'est Varron qui a l'étendard. Hannibal sait que s'il veut vaincre Rome, il faudra qu'il renverse le cours normal des choses. Il faut être fou. Alors il demande que l'on étire la ligne de front. Les Romains doivent scruter la manœuvre. Encore, dit-il. Et la ligne sur laquelle se tiennent les Carthaginois est bien plus longue maintenant que celle des Romains, mais plus fine aussi et plus fragile. Varron sourit. La cavalerie lourde chargera au centre et en premier, dit-il. Il faut faire exploser leur ligne. Et il ne doute pas que c'est ce qui se produira. Il sait qu'ils sont plus nombreux. Il croit que c'est pour pallier ce désavantage qu'Hannibal étire au maximum sa ligne. Il ne voit pas le génie de la manœuvre parce qu'il ne voit pas la folie. Il est heureux que la bataille advienne un jour où c'est à lui qu'a été confié le commandement suprême, car alors c'est son nom que l'on prononcera au Sénat. Hannibal donne ses derniers ordres. Il est calme. Il sent que ce jour est un de ceux où l'enchaînement des choses tient de la grâce. Est-ce l'histoire qui se saisit du cours des choses et écrit le monde pour quelques instants, déjouant les plans et surprenant les vivants? Est-ce la chance? Les Romains chargent, de toute leur puissance. Les Romains chargent et Hannibal est resté là où va avoir lieu le coup des stocks. L'impact est terrifiant. Les chevaux entrent de plein fouet sur le mur de défense. Hannibal hurle à ses troupes de reculer un peu. Il faut amortir le choc et laisser les Romains avancer. Les Gaulois doivent tenir. Arc-boutés contre des chevaux, boucliers fendus par la force du galop. Tenir et reculer pour que le piège fonctionne. Et c'est ce qui se produit. Hannibal le sent. C'est le sourire du ciel. Dans cette chaleur effrayante qui fait chauffer les casques et plisser les yeux, tout s'enchaîne comme si c'était lui-même qui indiquait au destin le chemin qu'il doit prendre. Les Gaulois tiennent, tout en reculant. Les Romains avancent, aveuglés par leur force. Ils ne voient pas que la défense n'a pas cédé. Ils ne voient pas qu'ils se sont trop enfoncés et que maintenant, d'un coup, parce qu'Hannibal l'a ordonné, les ailes carthaginoises se referment sur eux. Cette longue ligne trop étirée qui semblait tout à l'heure si fragile les encercle. Et la cavalerie lourde les heurte de plein fouet, leur trouant les flancs. Varron blêmit. Il voit le piège, mais il est trop tard. Il balbutie, veut réagir, n'y croit pas encore, pense peut-être qu'il s'agit d'un revers, qu'il va pouvoir se reprendre. Mais la bataille est perdue. Alors il comprend que tout a changé, que c'est une éclipse, qu'il vient d'être balayé et que ce n'est pas son nom que l'on prononcera demain au Sénat, mais celui d'Hannibal, avec terreur. C'était « Écoutez nos défaites » de Laurent Godet. Extrait choisi par Juliette Eman. Quatrième épisode. Avec Elsa Le Poivre, Mariam, Éric Herson-Macarel, Assem, Damien Houssier, Hannibal et la voix de Julie Pouillon. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Musique originale, Dominique Massa. À la trompette, Martin Saccardi. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Bastien Varego. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Juliette Eman.